Il y avait plus de 2 mois que j'allais voir la comtesse, dont la santé ne s'améliorait pas et présentait de plus en plus les symptômes de cette débilitation, si commune maintenant, et que les médecins de ce temps énervés ont appelé du nom d'anémie. Savigny et Hauteclerc continuaient de jouer, avec la même perfection, la très difficile comédie que mon arrivée et ma présence en ce château n'avaient pas déconcertée. Néanmoins, on eût dit qu'il y avait un peu de fatigue dans les acteurs. Serlon avait maigri, et j'avais entendu dire à V, « Quel bon mari que ce monsieur de Savigny. Il est déjà tout changé de la maladie de sa femme. Quelle belle chose donc que de s'aimer. » Hauteclerc, à la beauté immobile, avait les yeux battus, pas battus comme on les a quand ils ont pleuré, car ces yeux-là n'ont peut-être jamais pleuré de leur vie. Mais ils l'étaient comme quand on a beaucoup veillé, et n'en brillaient que plus ardents du fond de leur cercle violâtre. Cette maigreur de Savigny, du reste, et ses yeux cernés de Hauteclerc, pouvaient venir d'autre chose que de la vie compressive qu'il s'était imposée. Ils pouvaient venir de tant de choses dans ce milieu souterrainement volcanisé. J'en étais à regarder ces marques trahissantes à leur visage, m'interrogeant tout bas et ne sachant trop que me répondre, quand un jour, étant allé faire ma tournée de médecin dans les alentours, je revins le soir par Savigny. Mon intention était d'entrer au château, comme à l'ordinaire, mais un accouchement très laborieux d'une femme de la campagne m'avait retenu fort tard, et quand je passais par le château, l'heure était beaucoup trop avancée pour que j'y pusse entrer. Je ne savais pas même l'heure qu'il était. Ma montre de chasse s'était arrêtée, mais la lune, qui avait commencé de descendre de l'autre côté de sa courbe dans le ciel, marquait à ce vaste cadran bleu un peu plus de minuit, et touchait presque de la pointe inférieure de son croissant la pointe des hauts sapins de Savigny, derrière lesquels elle allait disparaître. « Êtes-vous allé parfois à Savigny ?» fit le docteur en s'interrompant tout à coup et en se tournant vers moi. « Oui, reprit-il à mon signe de tête. « Eh bien, vous savez qu'on est obligé d'entrer dans ce bois de sapins et de passer le long des murs du château, qu'il faut doubler comme un cap, pour prendre la route qui mène directement à V. » Tout à coup, dans l'épaisseur de ce bois noir, où je ne voyais goutte de lumière ni n'entendais goutte de bruit, voilà qu'il m'en arriva un à l'oreille, que je pris pour celui d'un battoir, le battoir de quelques pauvres femmes occupées le jour au champ et qui profitaient du clair de lune pour laver son linge à quelque lavoir ou à quelque fossé. Ce ne fut qu'en avançant vers le château qu'à ce claquement régulier se mêla un autre bruit qui m'éclaira sur la nature du premier. C'était un cliquetis d'épées qui se croisent et se frottent et s'agacent. Vous savez comme on entend tout dans le silence et l'air fin des nuits, comme les moindres bruits y prennent des précisions de distinctibilité singulière. J'entendais à ne pouvoir m'y méprendre le froissement animé du fer. Une idée me passa dans l'esprit, mais quand je débouchais du bois de sapin du château, blêmi par la lune, et dont une fenêtre était ouverte. « Tiens, fis-je, admirant la force des goûts et des habitudes, voilà donc toujours leur manière de faire l'amour. » Il était évident que c'était Serlon et Hauteclerc qui faisaient des armes à 7 heures. On entendait les épées comme si on les avait vues. Ce que j'avais pris pour le bruit des battoirs, c'était les appels du pied des tireurs. La fenêtre ouverte l'était dans le pavillon le plus éloigné, des 4 pavillons, de celui où se trouvait la chambre de la comtesse. Le château, endormi, morne et blanc sous la lune, était comme une chose morte. Partout ailleurs que dans ce pavillon, choisi à dessein, et dont la porte-fenêtre, ornée d'un balcon, donnait sous des persiennes à moitié fermées, tout était silence et obscurité. Mais c'était de ces persiennes à moitié fermées et zébrées de lumière sur le balcon que venait ce double bruit, des appels du pied et du grincement des fleurets. Il était si clair, il arrivait si net à l'oreille, que je préjugeais avec raison, comme vous allez voir, qu'ayant très chaud, on était en juillet, ils avaient ouvert la porte du balcon, sous les persiennes. J'avais arrêté mon cheval sur le bord du bois, écoutant leur engagement, qui paraissait très vif, intéressé par cet assaut d'armes, entre amants, qui s'étaient aimés les armes à la main, et qui continuaient de s'aimer ainsi. Quand, au bout d'un certain temps, le cliquetis des fleurets et le claquement des appels du pied cessèrent. Les persiennes de la porte vitrée du balcon furent poussées et s'ouvrirent, et je n'eus que le temps pour ne pas être aperçu dans cette nuit claire de faire reculer mon cheval dans l'ombre du bois de sapin. Serlon et Hauteclerc vinrent s'accouder sur la rampe en fer du balcon. Je les discernais à merveille. La lune tomba derrière le petit bois, mais la lumière d'un candélabre que je voyais derrière eux dans l'appartement mettait en relief leur double silhouette. Hauteclerc était vêtu, si cela s'appelle vêtu, comme je l'avais vu tant de fois, donnant ses leçons à V. Là, c'est dans ce gilet d'armes de peau de chamois qui lui faisait comme une cuirasse, et les jambes moulées par ses chausses en soie qui en prenaient si juste le contour musclé. Savigny portait à peu près le même costume. Sveltes et robustes tous deux, ils apparaissaient sur le fond lumineux qui les encadrait, comme deux belles statues de la jeunesse et de la force. Vous venez tout à l'heure d'admirer dans ce jardin l'orgueilleuse beauté de l'un et de l'autre, que les années n'ont pas détruite encore. Eh bien, aidez-vous de cela pour vous faire une idée de la magnificence du couple que j'apercevais alors, à ce balcon, dans ses vêtements serrés, qui ressemblaient à une nudité. Ils parlaient, appuyés à la rampe, mais trop bas pour que j'entendisse leurs paroles. Mais les attitudes de leur corps les disaient pour eux. Il y eut un moment où Savigny laissa tomber passionnément son bras autour de cette taille d'Amazone, qui semblait faite pour toutes les résistances et qui n'en fit pas. Et la fière haute claire, se suspendant presque en même temps au cou de Serlon, ils formèrent à eux deux ce fameux et voluptueux groupe de canevas qui est dans toutes les mémoires. Et ils restèrent ainsi sculptés bouche à bouche le temps, ma foi, de boire sans s'interrompre et sans reprendre au moins une bouteille de baiser. Cela dura bien 60 pulsations comptées à ce pouls, qui allait plus vite qu'à présent, et que ce spectacle fit aller plus vite encore. Oh, oh, fis-je, quand je débusquais dans mon bois, et qu'ils firent rentrer, toujours lancés l'un à l'autre, dans l'appartement dont ils abaissèrent les rideaux, de grands rideaux sombres. Il faudra bien qu'un de ces matins ils se confient à moi. Ce n'est pas seulement eux qu'ils auront à cacher. En voyant ces caresses et cette intimité qui me révélaient tout, j'en tirais en mes desseins les conséquences. Mais leur ardeur devait tromper mes prévisions. Vous savez comme moi que les êtres qui s'aiment trop, le cynique docteur dit un autre mot, ne font pas d'enfants. Le lendemain matin, j'allais à Savigny. Je trouvais Hauteclerc redevenue Eulalie, assise dans l'embrasure d'une des fenêtres du long corridor qui aboutissait à la chambre de sa maîtresse. Une masse de linge et de chiffon sur une chaise devant elle, occupée à coudre et à tailler là-dedans, elle la tireuse d'épée de la nuit. Sans douterait-on, pensais-je en l'apercevant, avec son tablier blanc et ses formes que j'avais vues, comme si elles avaient été nues, dans le cadre éclairé du balcon, noyées alors dans les plis d'une jupe qui ne pouvait pas les engloutir. Je passais, mais sans lui parler, car je ne lui parlais que le moins possible, ne voulant pas avoir avec elle l'air de savoir ce que je savais, et ce qui aurait peut-être filtré à travers ma voix ou mon regard. Je me sentais bien moins comédien qu'elle, et je me craignais. D'ordinaire, lorsque je passais le long de ce corridor, où elle travaillait toujours, quand elle n'était pas de service auprès de la comtesse, elle m'entendait si bien venir, elle était si sûre que c'était moi, qu'elle ne relevait jamais la tête. Elle restait inclinée sous son casque de batiste empesé, ou sous cette autre coiffe normande qu'elle portait aussi à certains jours, et qui ressemble au hennin d'Isabeau de Bavière, les yeux sur son travail et les joues voilées par ses longs tire-bouchons d'un bleu noir, qui pendaient sur leur ovale pâle, n'offrant à ma vue que la courbe d'une nuque estompée par d'épais frisons, qui s'y tordaient comme les désirs qu'il faisait naître. Chez Hauteclerc, c'est surtout l'animal qui est superbe. Nulle femme plus qu'elle n'eut peut-être ce genre de beauté-là. Les hommes qui entre eux se disent tout l'avaient bien souvent remarqué. Ave, quand elle y donnait des leçons d'armes, les hommes l'appelaient entre eux Mademoiselle Esso, le diable apprend aux femmes ce qu'elles sont, ou plutôt elle l'apprendrait au diable s'il pouvait l'ignorer. Hauteclerc, si peu coquette pourtant, avait, en écoutant quand on lui parlait, des façons de prendre et d'enrouler autour de ses doigts les longs cheveux frisés étassés à cette place du cou, ces rebelles au peigne qui avaient glissé le chignon, et dont un seul suffit pour troubler l'âme, nous dit la Bible. Elle savait bien les idées que ce jeu faisait naître. Mais à présent, depuis qu'elle était femme de chambre, je ne l'avais pas vue une seule fois se permettre ce geste de la puissance jouant avec la flamme, même en regardant Savigny. Mon cher, ma parenthèse est longue, mais tout ce qui vous fera bien connaître ce qu'était Hauteclerc Stassin importe à mon histoire. Ce jour-là, elle fut bien obligée de se déranger et de venir me montrer son visage, car la comtesse la sonna et lui commanda de me donner de l'encre et du papier dont j'avais besoin pour une ordonnance, et elle vint. Elle vint, le dé d'acier au doigt, qu'elle ne prit pas le temps d'ôter, ayant piqué l'aiguille enfilée sur sa provocante poitrine, où elle en avait piqué une masse d'autres pressées les unes contre les autres et l'embellissant de leur acier. Même l'acier des aiguilles allait bien à cette diablesse de fille, faite pour l'acier, et qui, au Moyen-Âge, aurait porté la cuirasse. Elle se tint debout devant moi pendant que j'écrivais, m'offrant l'écritoire avec ce noble et moelleux mouvement dans les avant-bras que l'habitude de faire des armes lui avait donné plus qu'à personne. Quand j'eus fini, je levai les yeux, et je la regardai, pour ne rien affecter, et je lui trouvai le visage fatigué de sa nuit. Savigny, qui n'était pas là quand j'étais arrivé, entra tout à coup. Il était bien plus fatigué qu'elle. Il me parla de l'état de la comtesse, qui ne guérissait pas. Il m'en parla comme un homme impatienté qu'elle ne guérit pas. Il avait le ton amer, violent, contracté de l'homme impatienté. Il allait et venait en parlant. Je le regardais froidement, trouvant la chose trop forte pour le coup, et ce ton napoléonien avec moi un peu inconvenant. « Mais si je guérissais ta femme, pensais-je insolemment, tu ne ferais pas désarmer l'amour toute la nuit avec ta maîtresse. » J'aurais pu le rappeler au sentiment de la réalité et de la politesse qu'il oubliait, lui planter sous le nez, si cela m'avait plu, les sels anglais d'une bonne réponse. Je me contentais de le regarder. Il devenait plus intéressant pour moi que jamais, car il m'était évident qu'il jouait plus que jamais la comédie. Et le docteur s'arrêta de nouveau. Il plongea son large pouce et son index dans sa boîte d'argent guillochée et aspira une prise de macoubac, comme il avait l'habitude d'appeler pompeusement son tabac. Il me parut si intéressant à son tour que je ne lui fis aucune observation et qu'il reprit, après avoir absorbé sa prise et passé son doigt crochu sur la courbure de son avis de nez en bec de corbin. Oh, pour impatienter, il l'était réellement. Mais ce n'était point parce que sa femme ne guérissait pas, cette femme à laquelle il était si déterminément infidèle. Que diable! Lui qui concubinait avec une servante dans sa propre maison ne pouvait guère s'en colérer parce que sa femme ne guérissait pas. Est-ce que, elle guérit, l'adultère n'eût pas été plus difficile? Mais c'était vrai pourtant que la traînerie de ce mal sans bout le lassait, lui portait sur les nerfs. Avait-il pensé que ce serait moins long? Et depuis, lorsque j'y ai songé, si l'aider d'en finir vint à lui ou à elle, ou à tous les deux, puisque la maladie ou le médecin n'en finissait pas, c'est peut-être de ce moment-là. Quoi, docteur, ils auraient donc... Je n'achevais pas, tant cela me coupait la parole, l'idée qu'il me donnait. Il baissa la tête en me regardant, aussi tragique que la statue du commandeur, quand elle accepte de souper. Oui, souffla-t-il lentement d'une voix basse, répondant à ma pensée. Au moins quelques jours de là, tout le pays apprit avec terreur que la comtesse était morte empoisonnée. Empoisonnée, m'écriai-je. Par sa femme de chambre, Eulalie, qui avait pris une fiole l'une pour l'autre, et qui, disait-on, avait fait avaler à sa maîtresse une bouteille d'encre double, au lieu d'une médecine que j'avais prescrite. C'était possible, après tout, qu'une pareille méprise. Mais je savais, moi, que Eulalie, c'était Hauteclerc. Mais je les avais vus, tous deux, faire le groupe de Canova, au balcon. Tout le monde n'avait pas vu ce que j'avais vu. Le monde n'eut d'abord que l'impression d'un accident terrible. Mais quand 2 ans après cette catastrophe, on apprit que le comte Servan de Savigny épousait publiquement la fille d'assassin, car il fallut bien déclencher qui elle était, la fausse Eulalie, et qu'il allait l'accoucher dans les draps chauds encore de sa première femme, mademoiselle Delphine de Cantor. Oh, alors ce fut un grondement de tonnerre, de soupçons à voix basse, comme si on avait eu peur de ce qu'on disait et de ce qu'on pensait. Seulement, au fond, personne ne savait. On ne savait que la monstrueuse mésalliance, qui fit montrer au doigt le comte de Savigny, et l'isola comme un pestiféré. Cela suffisait bien du reste. Vous savez quel déshonneur c'est, ou plutôt c'était, car les choses ont bien changé aussi dans ce pays-là. Que de dire d'un homme? Il a épousé sa servante. Ce déshonneur s'étendit et resta sur Serlon comme une souillure. Quant à l'horrible bourdonnement du crime soupçonné qui avait couru, il s'engourdit bientôt, comme celui d'un thon qui tombe lassé dans une ornière. Mais il y avait cependant quelqu'un qui savait et qui était sûr. « Et ce ne pouvait être que vous, docteur, » interrompis-je. « C'était moi, en effet, » reprit-il. « Mais pas moi tout seul. Si j'avais été seul pour savoir, je n'aurais jamais eu que de vagues lueurs, pire que l'ignorance. Je n'aurais jamais été sûr, » et fit-il en s'appuyant sur les mots avec l'aplomb de la sécurité complète, « je le suis. Et écoutez bien comme je le suis, » ajouta-t-il, en me prenant le genou avec ses doigts noueux, comme avec une pince. Or, son histoire me pinçait encore plus que ce système d'articulation de crabe qui formait sa redoutable main. « Vous vous doutez bien, continua-t-il, que je fus le premier à savoir l'empoisonnement de la comtesse. Coupable ou non, il fallait bien qu'il m'envoyât se chercher, moi qui étais le médecin. On ne prit pas la peine de sceller un cheval. Un garçon d'écurie vint à poil et au grand galop me trouvait à V, d'où je le suivis du même galop à Savigny. Quand j'arrivais, cela avait-il été calculé? Il n'était plus possible d'arrêter les ravages de l'empoisonnement. Serlon, dévasté de physionomie, vint au-devant de moi dans la cour et me dit au dégagé de l'étrier, comme s'il eût eu peur des mots dont il se servait. « Une domestique s'est trompée. » Il évitait de dire Eulalie, que tout le monde nommait le lendemain. Mais docteur, ce n'est pas possible. Est-ce que l'encre double serait un poison ? Cela dépend des substances avec quoi elle est faite, répartis-je. Il m'introduisit chez la comtesse, épuisée de douleur, et dont le visage rétracté ressemblait à un peloton de fil blanc tombé dans de la teinture verte. Elle était effrayante ainsi. Elle me sourit affreusement de ses lèvres noires, et de ce sourire qui dit à un homme qui se tait « Je sais bien ce que vous pensez ». D'un tour d'œil, je cherchais dans la chambre si Eulalie ne s'y trouvait pas. J'aurais voulu voir sa contenance à pareil moment. Elle n'y était point. Toute brave qu'elle fût, avait-elle eu peur de moi ? Ah, je n'avais encore que d'incertaines données. La comtesse fit un effort en m'apercevant, et s'était soulevée sur son coude. « Ah, vous voilà, docteur, dit-elle, mais vous venez trop tard. Je suis morte. Ce n'est pas le médecin qu'il fallait envoyer chercher. Serlon, c'était le prêtre. Allez, donnez des ordres pour qu'il vienne, et que tout le monde me laisse seul 2 minutes avec le docteur. Je le veux. » Elle dit ce « je le veux » comme je ne le lui avais jamais entendu dire, comme une femme qui avait ce front et ce menton dont je vous ai parlé. « Même moi, dit Savigny faiblement. » « Même vous, fit-elle, et elle ajouta presque caressante. « Vous savez, mon ami, que les femmes ont surtout des pudeurs pour ceux qu'elles aiment. » À peine fut-il sorti qu'un atroce changement se produisit en elle. De douce, elle devint fauve. « Docteur, dit-elle d'une voix haineuse, ce n'est pas un accident que ma mort, c'est un crime. Serlon aime Eulalie, et elle m'a empoisonné. Je ne vous ai pas cru quand vous m'avez dit que cette fille était trop belle pour une femme de chambre. J'ai eu tort. Il aime cette scélérate, cette exécrable fille qui m'a tué. » Il est plus coupable qu'elle, puisqu'elle l'aime et qu'il m'a trahi pour elle. Depuis quelques jours, les regards qu'il se jetait des deux côtés de mon lit m'ont bien averti, et encore plus le goût horrible de cette encre avec laquelle ils m'ont empoisonné. Mais j'ai tout bu, j'ai tout pris, malgré cet affreux goût, parce que j'étais bien aise de mourir. Ne me parlez pas de contrepoison, je ne veux d'aucun de vos remèdes, je veux mourir. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir, madame la comtesse ? Eh bien, voici pourquoi, reprit-elle haletante. C'est pour vous dire qu'ils m'ont empoisonné, et pour que vous me donniez votre parole d'honneur de le cacher. Tout ceci va faire un éclat terrible, il ne le faut pas. Vous êtes mon médecin, et on vous croira, vous, quand vous parlerez de cette méprise qu'ils ont inventée, quand vous direz que même je ne serais pas morte, que j'aurais pu être sauvée, si depuis longtemps ma santé n'avait été perdue. Voilà ce qu'il faut me jurer, docteur. Et comme je ne répondais pas, elle vit ce qui s'élevait en moi. Je pensais qu'elle aimait son mari au point de vouloir le sauver. C'était l'idée qui m'était venue, l'idée naturelle et vulgaire, car il est des femmes tellement pétries pour l'amour de ces abnégations qu'elles ne se rendent pas le coup dont elles meurent. Mais la comtesse de Savigny ne m'avait jamais produit l'effet d'être une de ces femmes-là. « Ah, ce n'est pas ce que vous croyez qui me fait vous demander de me jurer cela, docteur. Oh non, je hais trop Serlon en ce moment pour ne pas malgré cette raison l'aimer encore. Mais je ne suis pas si lâche que de lui pardonner. Je m'en irai de cette vie, jalouse de lui et implacable. Mais il ne s'agit pas de Serlon, docteur, reprit-elle avec énergie, en me découvrant tout un côté de son caractère que j'avais entrevu, mais que je n'avais pas pénétré dans ce qu'il avait de plus profond. Il s'agit du comte de Savigny. Je ne veux pas, quand je serai morte, que le comte de Savigny passe pour l'assassin de sa femme. Je ne veux pas qu'on le traîne en cour d'assises, qu'on l'accuse de complicité avec une servante adultère et empoisonneuse. Je ne veux pas que cette tache reste sur ce nom de Savigny que j'ai porté. Oh, s'il ne s'agissait que de lui, il est digne de tous les échafauds. Mais lui, je lui mangerai le cœur. Mais il s'agit de nous tous, les gens comme il faut du pays. Si nous étions encore ce que nous devions être, j'aurais fait jeter cette Eulalie dans une des oubliettes du château de Savigny, et il n'en aurait plus été question, jamais. Mais à présent, nous ne sommes plus les maîtres chez nous. Nous n'avons plus notre justice expéditive et muette, et je ne veux pour rien des scandales et des publicités de la vôtre, docteur. Et j'aime mieux les laisser dans les bras l'un de l'autre, heureux et délivrés de moi, et mourir enragé comme je meurs, que de penser, en mourant, que la noblesse devée aurait l'ignominie de compter un empoisonneur dans ses rangs. Elle parlait avec une vibration inouïe, malgré les tremblements saccadés de sa mâchoire, qui claquait à briser ses dents. Je la reconnaissais, mais je l'apprenais encore. C'était bien la fille noble qui n'était que cela, la fille noble plus forte en mourant, que la femme jalouse. Elle mourait bien comme une fille de V, la dernière ville noble de France, et touchée de cela plus peut-être que je n'aurais dû l'être. Je lui promis et je lui jurais, si je ne la sauvais pas, de faire ce qu'elle me demandait. Et je l'ai fait, mon cher, je ne la sauvais pas. Je ne pus pas la sauver. Elle refusa obstinément tout remède. Je dis ce qu'elle avait voulu quand elle fut morte, et je persuadais, il y a bien 25 ans de cela, à présent tout est calmé, silencé, oublié de cette épouvantable aventure. Beaucoup de contemporains sont morts, D'autres générations ignorantes, indifférentes, ont poussé sur leur tombe. Et la première parole que je dis de cette sinistre histoire, c'est à vous. Et encore, il a fallu ce que nous venons de voir pour vous la raconter. Il a fallu ces deux êtres, immuablement beaux malgré le temps, immuablement heureux malgré leurs crimes, puissants, passionnés, absorbés en eux, passant aussi superbement dans la vie que dans ce jardin semblable à deux de ces anges d'autel, qui s'enlèvent, unis dans l'ombre d'or de leurs quatre ailes. J'étais épouvanté. Mais fis-je, si c'est vrai ce que vous me contez là, docteur, c'est un effroyable désordre dans la création que le bonheur de ces gens-là. C'est un désordre ou c'est un ordre, comme il vous plaira, répondit le docteur Torti, cet athée absolu et tranquille aussi, comme ceux dont il parlait. Mais c'est un fait. Ils sont heureux exceptionnellement, et insolemment heureux. Je suis bien vieux, et j'ai vu dans ma vie bien des bonheurs, qui n'ont pas duré, mais je n'ai vu que celui-là qui fut aussi profond et qui dure toujours. Et croyez que je l'ai bien étudié, bien perscruté. Croyez ce que j'ai bien cherché la petite bête dans ce bonheur-là. Je vous demande pardon de l'expression, mais je puis dire que je l'ai pouillé. J'ai mis les deux pieds et les deux yeux aussi avant que j'ai pu dans la vie de ces deux êtres, pour voir s'il n'y avait pas, à leur étonnant et révoltant bonheur, un défaut, une cassure, si petite qu'elle fût, à quelque endroit cachée. Mais je n'ai jamais rien trouvé qu'une félicité à faire envie, et qui serait une excellente et triomphante plaisanterie du diable contre Dieu, s'il y avait un Dieu et un diable.